Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler des élections européennes et du renouvellement des postes qui est toujours en cours. Puis nous évoquerons en bref les différentes actus de l'été. Effectivement, Adam, alors après les élections européennes, les renouvellements des postes sont toujours en cours. Et oui, les élections européennes, c'était il y a 3 mois, mais le renouvellement des postes suit son cours et justement est toujours en cours. Alors, quels sont ceux qui se sont renouvelés pendant notre pause estivale ? Alors, les élections européennes débouchent non seulement sur donc, le renouvellement au Parlement européen, mais sur d'autres renouvellements, dont celui de la Commission européenne. À l'occasion du Conseil européen des 27 et 28 juin, les dirigeants des États membres se sont mis d'accord sur un ensemble de postes clés, dont celui des présidents de la Commission européenne et du Conseil européen. Les États membres ont proposé au vote des parlementaires Ursula von der Leyen pour le poste de président de la Commission européenne. Pour cela, ils ont tenu compte des résultats du scrutin donc du Parlement européen, donc du 9 juin. En effet, la règle veut que le candidat soit issu du groupe politique ayant remporté les élections européennes. Donc ici, c'était le PPE auquel appartient les Républicains en France. Donc Ursula von der Leyen, issue du PPE, a été proposée. Ainsi, le jeudi 18 juillet 2024, en début d'après-midi, Ursula von der Leyen a été réélue présidente de la Commission européenne pour un second mandat 2024-2029. L'Allemande de 65 ans a recueilli les votes de 401 des 719 députés européens qui composent actuellement la 10e législature du Parlement européen, soit une majorité absolue des élus qui siègent à Strasbourg. Et ça a été l'occasion pour mettre en avant son programme pour les 5 prochaines années. Tout à fait, objectif affiché, consolider une Europe forte dans une période de grande anxiété, avec la prospérité et la compétitivité comme priorité pour l'Union européenne. Cela passera notamment en favorisant l'installation et le développement des entreprises sur le territoire européen, PME comme entreprise de haute technologie. La guerre en Ukraine et les relations avec la Russie étaient une fois de plus au cœur du discours d'Ursula von der Leyen. Je cite, « Nous veillerons à ce que l'ère de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie soit derrière nous une bonne fois pour toutes. » L'Allemande a réitéré le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe qui dure depuis février 2022. Un soutien qui passe notamment par l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne que la candidate à la présidence de l'exécutif européen a de nouveau mis en avant. Sur le plan sécuritaire, Ursula von der Leyen a promis aux eurodéputés le triplement des effectifs de Frontex, l'agence européenne de garde frontière et de garde-côte, afin d'atteindre 30 000 agents. Alors ce n'est pas la seule qui a retrouvé son poste. Et non, quelques jours auparavant, le mardi 16 juillet, les parlementaires, élus le 9 juin dernier donc, ont voté une très large majorité pour offrir à Roberta Metsola un second mandat à la tête du Parlement européen. La Maltaise, issue du rang du Parti populaire européen, donc le premier groupe de l'hémicycle, a recueilli 562 voix à l'issue du premier tour, donc on rappelle sur 719 députés. Son unique opposante, Irène Montero, de la gauche, n'a rallié à sa cause que 61 eurodéputés. Mais ce n'est pas fini. Et non, l'un des premiers rôles du nouveau Parlement sera d'élire aussi le nouveau collège de la Commission européenne. En quelque sorte, les ministres européens. Il y a un commissaire pour l'agriculture, un commissaire pour le marché intérieur, etc., etc. Pour cela, chaque État membre, donc chaque État des 27 pays membres de l'Union européenne, présente un candidat au poste de commissaire européen. Chaque candidat sera auditionné par le Parlement européen entre le 30 septembre et le 4 octobre, qui devra valider ou rejeter les candidatures, puis voter sur l'ensemble du collège de la Commission européenne le 21 octobre afin que la Commission prenne officiellement ses fonctions le 1er novembre. Cette étape clôturera un cycle électoral essentiel pour définir la composition des institutions majeures de l'Union européenne. Merci Adam, on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la suite d'Europe On Air. Oh, le vent souffle fort dans la rue froide et sombre ce soir. Tous ces gens, je les voyais danser au rythme des guitares et les gars vont draguer les filles les plus stylées pendant que la jeunesse agitait va au loin pour se poser. Le son des chansons augmente, chacune meilleure que la précédente. Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? mes chansons. Je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Moi ce que je veux c'est la scène partout, dans toutes les villes. Non je ne veux plus chanter dans cet exil. Donnez-moi ces moments-là que j'ai attendu tant de fois. Moi ce que je veux c'est entendre vos voix un peu fébriles, écrire des histoires indélébiles. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Où va-t-on chanter ce soir? C'est ça la vie, une revisite d'un titre d'Amy McDonald. C'était Héloïse sur Fudget. De retour sur Radio Fudget pour l'émission Europe en Air, présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain, où nous allons désormais faire un bref retour sur les actus de cet été autour de l'Union Européenne. Et on commence avec les Européens qui sont à la rescousse de la Grèce, touchée par des incendies ravageurs. Et oui, la Grèce a appelé à l'aide, donc au milieu de cet été. Frappé par d'intenses incendies au nord d'Athènes, le pays a sollicité le soutien de ses voisins en activant le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. La République tchèque, la Roumanie, l'Italie ou encore la Serbie ont répondu présent. Chacun de ces pays fournit une équipe de soldats du feu pour soutenir Athènes. Les plus gros effectifs viennent de France, qui a envoyé 180 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs, 55 véhicules ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau. L'Union européenne a quant à elle dépêché sur place deux avions et un hélicoptère de sa propre flotte Rescue-EU, prépositionné en Italie et en France. Et en lien avec cela, l'Union européenne lance la production d'avions de lutte contre les incendies. Oui, consécutivement à la signature d'accord, la construction de 12 avions amphibies de lutte contre les incendies destinés à constituer la flotte permanente Rescue a débuté. Ces avions, qui seront financés par la Commission européenne, constitueront la nouvelle ossature de la réaction de l'Union européenne aux crises consacrées à la lutte contre les incendies de forêt. La France pourra évidemment bénéficier de ces avions en cas d'incendie. Un autre sujet, l'intelligence artificielle, le premier règlement européen entre en vigueur. Oui, c'est une première mondiale pour un secteur en évolution constante. Le jeudi 1er août, la législation européenne sur l'intelligence artificielle, AI Act en anglais, est officiellement entrée en vigueur. Le règlement ambitionne d'encadrer l'utilisation et le développement du secteur récemment bouleversé par l'arrivée d'acteurs comme ChatGPT. Avec l'entrée en vigueur de la législation sur l'IA, la démocratie européenne a mis en place un cadre au niveau mondial pour l'IA, en luttant contre les risques et en servant de tremplin pour les jeunes pousses européennes avec un système de bac à sable. Donc les entreprises pourront continuer à développer l'intelligence artificielle, mais il y aura quand même des restrictions d'usage pour les utilisateurs pour justement garantir la vie privée, etc. Il y a eu aussi l'entrée en vigueur de la loi sur la restauration de la nature qui contribuera à restaurer les écosystèmes dégradés. Oui, la loi sur la restauration de la nature mettra en place un processus de restauration continue et durable de la nature sur les terres et mers de l'Union européenne. L'objectif global à atteindre au niveau de l'Union européenne est que les États membres mettent en place des mesures de restauration dans au moins 20% des zones terrestres et 20% des mers de l'Union européenne d'ici 2030. Et enfin, TikTok s'engage à retirer définitivement son programme TikTok Lite Rewards dans l'Union européenne. Oui, ce programme permettait aux utilisateurs de la plateforme d'obtenir des bons d'achat en regardant des vidéos sur l'application. Avec les différents problèmes soulevés comme l'addiction, TikTok a présenté ses engagements pour répondre aux préoccupations exprimées par la commission. L'application s'est engagée à retirer définitivement son programme TikTok Lite Rewards dans l'Union européenne. Il continue dans d'autres espaces géographiques, mais plus dans l'Union européenne, et à ne pas lancer d'autres programmes qui contourneraient ce retrait. Merci Adam pour cette émission très complète. C'était la chronique Europe On Air sur Radio Fadjet présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.